Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la sécurité routière au petit écran. Quelle est la principale cause d'accident? Je pense arrêter la boisson un peu. La boisson est importante? Oui, je pense que oui. Ça, c'est un des gros facteurs d'accident. Je pense que oui. Parmi les jeunes, c'est la boisson, puis la vitesse. Il n'y a pas assez de surveillance sur les routes. Le monde n'est pas assez prudent. La condition des routes. Mal la vitesse. La vitesse. La vitesse. Quelques commentaires recueillis en 1965 sur les comportements les plus à risque sur nos routes. Plus de 50 ans plus tard, les commentaires pourraient probablement être à peu près les mêmes. Alcool au volant, vitesse. Ce qui a beaucoup changé, en revanche, c'est que le bilan routier, le nombre d'accidents mortels sur nos routes a, lui, considérablement diminué. Depuis 1978, le taux de décès a chuté de 78 % sur les routes du Québec. Parmi les facteurs expliquant cette amélioration, entre autres, les campagnes publicitaires de sécurité routière. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Vous vous souvenez probablement de ce récent message publicitaire de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAC, qui nous prévient des dangers du texto, de texter au volant. Pour retracer la petite histoire de la publicité touchant la sécurité routière au Québec, mon invité Arnaud Granata, vice-président et directeur des contenus des éditions Infopresse, ex-concepteur et rédacteur de publicité. Bienvenue à l'émission, Arnaud. Merci, Jacques. Le message texte au volant, c'est un des plus récents qu'on peut voir sur nos écrans ici. Ça montre tout de suite, on en est là. On en est en sécurité routière à des messages sur les textos au volant. Oui, puis c'est assez récent. Hein. En 2012, on a interdit le texto au volant. En 2008, on avait interdit le cellulaire. Donc, ce sont des pratiques et une interdiction qui est assez nouvelle. Donc, les enjeux de communication aujourd'hui sont vraiment axés là-dessus. Et évoluent donc au fil du temps, beaucoup en fonction, on y reviendra, mais beaucoup en fonction des nouvelles lois finalement. Des nouvelles lois, et c'est vraiment ça. Il y a deux enjeux en sécurité routière, c'est la répression et c'est ensuite la communication. La communication sert à justifier la répression. Ça commence quand, Arnaud Granata, ces campagnes publicitaires qui touchent la sécurité routière chez nous? Alors, ça commence principalement avec la création de la SAAQ, la Société de l'assurance automobile du Québec, en 1977. Et en 1976, on venait tout juste de ne pas porter la ceinture de sécurité à l'avant. On se rappelle quand même qu'il a fallu attendre 1990 ou 1991 pour que la ceinture de sécurité soit aussi obligatoire à l'arrière. Donc, les premières campagnes ont vraiment commencé sur cet enjeu-là. Et puis, on l'a entendu tout à l'heure, sur les enjeux de vitesse et sur les enjeux d'alcool au volant, puisque c'est encore aujourd'hui ce sur quoi on communique massivement. On recule un petit peu dans le temps, donc début des messages publics, gouvernementaux, avec la création de la SAAQ en 77, mais avant Arnaud Granata, il y avait déjà des compagnies, ouais, entre autres un brasseur, la brasserie d'Arles, qui s'adressait aux automobilistes avec un ton un peu à l'avenant. Vous allez voir, c'est plein de candeur. Écoutons ce message qui date de 1964, qui devrait vous faire un petit peu sourire. Quand on veut faire un grand tour d'auto, puis qu'on veut apporter son canot, ça peut finir par en faire trop. C'est dans ce temps-là que votre ami arrive en vous disant « Voyons, voyons, mon bon ami, pensez-y donc, promenez donc tout ce que vous voudrez, mais promenez-le bien attaché. Pensez-y donc. Sur toutes les routes, sur tous les chemins, on peut rouler avec entrain, mais pas essayer de faire le fin. C'est dans ce temps-là que votre ami arrive en vous disant « Voyons, voyons, mon bon ami, pensez-y donc. Les deux lignes blanches, ça signifie que dépasser, ce n'est pas permis, pensez-y donc. Si jamais vous êtes malchanceux et puis que vous crevez de vos pneus, n'arrêtez pas à qui mieux mieux. » C'est dans ce temps-là que votre ami arrive en vous disant « Voyons, voyons, mon bon ami, pensez-y donc, arrêtez-vous vite, c'est très bien, mais pas au milieu du chemin. Pensez-y donc. » Dites donc, Tao, la bière brassée par la brasserie Tao du Québec, les maîtres brasseurs. plein de choses dans ce message. Évidemment, ouais. Le ton, j'ai l'impression de revoir, d'entendre un vieil épisode de Yogi l'ours. Mais les thèmes qui sont abordés, puis ça, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, sur le fait que Dow, donc un brasseur, en 64, décide vraiment, avec toute la candeur qu'on vient d'entendre, mais quand même de faire un message publicitaire qui touche à la sécurité routière. Est-ce que c'est fréquent? Qui va faire ça? Dans quelles circonstances? Alors, ça a un petit peu lancé cette idée que, oui, des entreprises privées allaient ou pour se donner bonne conscience ou aussi dans un sens de responsabilité sociale, de faire la promotion de certains de leurs produits. On peut parler d'alcool, on peut parler de bière, mais on peut aussi parler de voitures, par exemple, où ils savent que certains comportements par rapport à leurs produits peuvent être dangereux, en termes de sécurité routière. On l'a vu beaucoup aussi, après, à travers les années, avec des marques de voitures qui ont commencé à vendre au lieu de vendre de la vitesse, on commençait aussi à vendre de la responsabilité au volant. La sécurité. Sécurité. Coussin gonflable, etc. Exactement. Et c'est assez paradoxal parce que à la fois l'alcool et à la fois la vitesse sont les deux choses qu'on nous vend, évidemment, du côté des brasseurs et de l'autre côté des voitures. Donc, il faut pouvoir avoir différents niveaux de communication et ça, on l'a vu croître à travers les années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui s'y collent. Mais qui le font sérieusement ou pas? Parce que Dow, en 64, c'est gentil, mais c'est presque de la rigolade. Là. Il n'y a pas un message très sérieux dans ce qu'on vient d'entendre. Je pense qu'il y a quand même une sous-couche, oui, qui annonce un petit peu les dommages que pourrait éventuellement causer la consommation abusive, etc. Oui, il y a des marques de voitures, notamment aujourd'hui, qui le font. On peut penser à Volkswagen qui l'a fait dans les dernières années. Mais oui, il y a des marques de voitures qui le font d'une façon très sincère parce qu'elles savent que ça a un impact aussi sur leur réputation et auprès des consommateurs qui, eux, sont de plus en plus conscients face à ces enjeux-là. Vous parlez de Volkswagen, il y a quand même eu en contrepartie des faux pas. Une publicité qu'on a vue au Québec qui a été condamnée, et les gens vont s'en souvenir, le jeune, probablement à calotte, passez-moi l'expression, La fameuse phrase « Tasse-toi, mon oncle ». Ouais. Ça, c'était la puissance du moteur. Et c'est complètement paradoxal aussi dans ces publicités d'entreprises privées qui vendent la vitesse, dans le cas des voitures, mais qui doivent aussi vendre une certaine forme de responsabilité. Il y a un double discours très clair. Et c'est aussi ce qui était toujours très difficile en sécurité routière. C'est le fait que la voiture a toujours été associée à la liberté, à la vitesse. Dans une voiture, je fais ce que je veux. Et ça a été très dur, malgré les lois, de faire changer des comportements. Ça a pris 15 ans, par exemple, pour forcer les gens à attacher leur ceinture de sécurité. À partir du moment où la loi est sortie, jusqu'en 1990, on a dû faire des campagnes, la répression policière, pour que ce soit un comportement qui soit adopté. Aujourd'hui, les messages textes au volant, c'est un problème qui est loin d'être réglé, et malgré le fait que c'est interdit. Bon, donc, venons-y à l'évolution des messages qui nous seront transmis. On en a parlé, ceinture de sécurité, la première grande campagne, le premier grand combat, parce que c'est un peu ça, au fond. Après suivra quoi? L'alcool? L'alcool au volant, c'est criminel. Ça a été une grande ligne de campagne dans les années 1985, et après le renforcement de cette loi, qui était beaucoup plus dure, par rapport aux sanctions des gens qui conduisaient en faculté affaiblie, enfin en ayant bu. Et ça a été effectivement un grand combat qui aujourd'hui encore est très, très ancré dans la communication sociétale et particulièrement auprès des jeunes. Ouais. Parce que en sécurité routière, ce sont des enjeux qu'il faut perpétuellement recommencer et recommuniquer. C'est l'alcool, c'est la vitesse. Et on entendait en début d'émission, ça n'a pas beaucoup changé, si ce n'est qu'aujourd'hui, on rajoute le cellulaire et les messages textes. Il y aura après l'alcool, la vitesse également. Qui sera... C'est les deux piliers, alcool et vitesse. Et c'est très lié. Souvent, c'est des campagnes qui sont carrément du renforcement Arnaud Granata pour qui suivent une nouvelle loi, une nouvelle réglementation, donc campagne publicitaire pour envoyer un message clair. La loi a changé, avec des slogans parfois assez forts, assez percutants. L'alcool au volant, c'est criminel, qu'on se le dise. Ça reste, ça marque. Oui, et je pense que les publicitaires attendent que ces lois que la répression soit là pour pouvoir après communiquer et donc justifier d'une certaine façon cette répression. Parce que quand on a pu dire l'alcool c'est criminel, on disait, bah, dans le fond, quand vous allez vous faire arrêter, vous allez avoir une amende et vous allez avoir été prévenu. Enfin, il y a vraiment l'enjeu de communication. Et c'est la loi. Sinon, ça aurait pu être perçu comme un message moralisateur. Absolument. Plus... Ouais. Et quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les messages textes, on sait que c'est interdit, mais il va falloir encore, à mon avis, des années et des années de communication sur cet enjeu pour qu'on comprenne que c'est vraiment... y a un consensus social qui n'est pas là encore aujourd'hui par rapport à ça. Bon, l'approche qu'on utilise, souvent, on a l'impression, chez nous, mais ailleurs dans le monde, que quand on parle de sécurité routière, on y va avec des pubs chocs. Oui. Un exemple là-dessus, je vous propose d'écouter un message qui parle de vitesse au volant en 2001 et ce sera suivi dans l'extrait qu'on va entendre de l'explication de cette approche choisie pour ce message par Guy Paquette, qui est responsable du Centre de recherche sur la sécurité routière de l'Université Laval. Pierre est en retard. Il n'arrivera jamais à destination. Il a oublié, comme on oublie trop souvent, que rouler au-dessus de la limite permise pour gagner quelques minutes, c'est risquer sa vie. Toute une vie pour quelques malheureuses petites minutes. À partir du moment où ça concerne la vitesse excessive, on sait qu'il s'agit d'un phénomène qui concerne surtout les conducteurs les plus jeunes. Alors, les conducteurs les plus jeunes sont des gens qui sont habitués de vivre dans un environnement où les stimulations sont extrêmement vives. Quand on va voir un film au cinéma, la moindre des scènes qu'on aime aujourd'hui va faire appel à l'émotion d'une manière extrêmement intense. Je pense que quand on veut rejoindre les jeunes, on n'a pas d'autre choix. Il faut littéralement confier la réalisation de nos messages publicitaires de sécurité à des réalisateurs, ce que j'appellerais, moi, des ingénieurs de l'émotion. Adapter le message au public, confier ces messages à des ingénieurs de l'émotion, nous dit M. Paquette. Est-ce que ça marche, les publicités choc? Ça fonctionne. Avec un certain bémol, on est au Québec, on a très vite compris, mesuré aussi beaucoup que des publicités qui étaient trop dramatisées, où on va ralentir les accidents, où on va avoir beaucoup de sang, qui vont finalement finir par être plus cinématographiques que réalistes, vont nous amener à avoir une forme de distance par rapport à la publicité. Donc on va se dire, ça reste un film. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Et je pense que ça a amené aussi la société de l'assurance automobile au Québec, à avoir une approche beaucoup plus réaliste. Donc, on a des pubs qui ont, avec le temps, été moins chocs, moins violentes, en tout cas dans les effets, mais tout aussi violentes dans les émotions. Parce que c'est ça que les publicitaires cherchent la prise de conscience. Que ce soit par l'image choc de la tôle qui se fracasse, quelqu'un qui se fait heurter à toute vitesse par une voiture, ou par l'idée de ce que peut vouloir dire dans notre vie, dans les séquelles qui suivront, un accident de la route. Exactement. Et c'est aussi, on veut, sans être trop moralisateur, mais donner les clés du processus, pourquoi ça arrive et comment on peut faire pour changer ça. Parce que si on veut aller chercher une forme de changement de comportement par rapport à l'alcool ou par rapport à la vitesse, il faut pouvoir expliquer un processus. Ouais. Et ça, c'est important en publicité. Aspect pédagogique. Puis il y a une publicité qui remonte à pas mal d'années derrière, mais qui montrait justement deux séquences qui se suivaient, mais avec un écart de vitesse, je ne me souviens plus, de 10 ou 15 kilomètres de plus. Mais la différence que ça faisait s'il y avait impact, s'il y avait accident. Donc, on était vraiment là-dedans. Oui, puis on se base beaucoup sur des chiffres aussi qui effectivement viennent d'études scientifiques ou qui ont été prouvées pour faire prendre conscience aux gens de l'importance de cet enjeu-là. Sinon, il y a aussi des publicités qui ont, elles, été très basées sur des faits réels. Il y a par exemple cette publicité en 2000 de Héros à Zéro, où c'est vraiment l'histoire de cette bande de jeunes qui s'est filmée en train de faire des cascades. On a vraiment vu sur la vraie bande originale la voiture foncer dans un ravin et le jeune en mourir. Et les parents ont remis à la société, l'assurance automobile, la vidéo pour qu'elle puisse être diffusée. Et ça, ça a été extrêmement bénéfique. Et ça a été une publicité qui a été extrêmement frappante et efficace parce que réaliste. Est-ce que des fois, il y a des exemples où on est allé trop loin, où il y a eu rejet. Le public a dit non, c'est trop, trop de violence, trop une approche, une thérapie choc trop forte. Mais il y a des publicités effectivement qui dans l'histoire ont on a beaucoup joué sur un afflux de sang, sur des scènes très ralenties. Et oui, dans les études, parce que chaque publicité au Québec comme ailleurs d'ailleurs, mais c'est particulièrement le cas au Québec, vont être ce qu'on appelle en publicité post. Tester. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'une fois systématiquement on va demander à des groupes de consommateurs de donner leur avis a posteriori sur la publicité qu'ils ont vue, qu'est-ce que ça a provoqué chez eux comme émotion. Et c'est pour ça qu'on a réajusté beaucoup aussi la façon de communiquer, parce qu'on s'est rendu compte que oui, des publicités qui vont dramatiser trop vont être des publicités qui vont avoir un impact plutôt négatif. En même temps, on regarde à l'international et on regarde la politique australienne notamment de sécurité routière qui, elle, est complètement différente, où on a utilisé pendant 15-20 ans des publicités choc presque insoutenables à regarder et qui ont eu comme effet de baisser significativement le nombre d'accidents sur la route. Donc ce qu'on voit, c'est que selon les zones géographiques, selon aussi la sensibilité culturelle, il y a différentes façons de faire de la communication et différentes façons qui sont efficace et valable selon où on est. Est-ce qu'on doit? Je pense que oui, mais puisque la SAAC est très, très soucieuse de l'efficacité de ses messages, est-ce qu'on cible? Est-ce que pour tel type de public cible, on y va avec plus de violence, plus de choc? Pour tel autre type de public cible, quelque chose de plus doux? C'est sûr que pour des jeunes qui sont dans un âge plus insouciant, où les dangers nous paraissent plus loin, oui, il va falloir être plus choc, un petit peu moins rationnel parfois, et on va utiliser des méthodes. La SAAQ a fait par exemple des publicités en réalité augmentée dans des cégeps par exemple, dans des toilettes. On essaye aussi d'arrimer des nouvelles technologies avec des messages qui sont choc auprès d'une population plus jeune, parce qu'il faut trouver un moyen de les rejoindre, ils sont ultra sollicités et il faut aller les chercher d'une certaine façon. Et là où ils sont, téléphone cellulaire, les plateformes vont changer, là. Ça ne sera plus... Le jeune de 17 ans est moins devant sa télé que... Il est devant la télé, mais il est plus juste devant la télé. C'est plus la seule façon d'aller le chercher. Donc, en effet, on développe des applications sur téléphone cellulaire. Il faut aller le rejoindre aussi dans des lieux publics, dans des bars, à l'école. La vraie difficulté aujourd'hui pour les publicitaires, et c'est ce qui est valable en sécurité routière, c'est aussi valable sur l'ensemble de la consommation de manière générale, c'est de multiplier les axes de communication et de les multiplier pour tous ces segments-là qui sont des jeunes, des très jeunes, des conducteurs plus âgés et qui demandent tous des stratégies différentes. Les messages donc évoluent, s'adaptent au fil du temps, au fil de l'histoire. On en est maintenant très très loin de cette publicité d'art de 64 qu'on écoutait. Un extrait de publicité, une publicité en fait complète qui nous vient de France, que vous avez choisi, campagne très très récente, 2016, tirée donc de la campagne Onde de choc. Derrière chaque victime de la route, il y a des victimes dans la vie. Étienne va avoir un accident. Il mourra dans quelques instants sous les massages impuissants des pompiers. Sophie retrouve son petit ami. Elle se réveillera sur un lit d'hôpital. Mais ses jambes resteront endormies. Le père d'Étienne sera le premier à prendre sa mort. On ne le verra plus sourire. Son grand-père, lui, ne voudra pas croire à son décès. Sa femme porte dans son ventre un enfant qu'il ne verra jamais. Le père de Sophie sacrifiera tout pour la faire à nouveau marcher. Sa mère sera hantée par le souvenir de ses premiers pas. Son petit ami la demandera en mariage. Elle refusera, par amour. Derrière chaque victime de la route, il y a des victimes dans la vie. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Pourquoi avoir choisi ce message, Arnaud Granata? C'est une publicité que j'ai choisie parce qu'elle a un axe dramatique que je trouve intéressant. Ce que je sens comme message en dessous, c'est après tant d'années à voir communiquer sur les mêmes enjeux, l'alcool, la vitesse, on sent une forme de lassitude et ce qu'on dit dans ce message, c'est regardez l'impact que peut avoir votre comportement sur votre entourage, sur votre vie de manière générale. Et je trouve que ça résume un petit peu là où on en est aujourd'hui dans cette publicité sur la sécurité routière. C'est un éternel recommencement. Les conséquences d'un comportement qui ne soit pas sécuritaire, on s'adresse vraiment à l'intelligence. On ne voyait pas les images. Non. Moi, je les ai regardées. Le choc, il est dans ce qu'on sème dans la tête du téléspectateur, pas dans les images qu'on montre. C'est très onirique, les images. Ouais. Ils sont en apesanteur. C'est presque poétique. Mais le message qu'on vous transmet, c'est qu'est-ce que ça va vouloir dire dans vos vies? Oui, puis à tous les âges, toutes les classes sociales, dans n'importe quelle circonstance, ça va vous toucher si vous n'y faites pas attention. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un message puissant et rassembleur à la fois. Un dernier message qu'on écoute ensemble, une approche plus positive, ça remonte à 2007. Qu'est-ce qu'il y a? Charles, es-tu rentré? Je sais pas. Oh. Hey, excuse, j'ai oublié ma clé. T'as pas conduit comme ça? Non, pis il me manque 10$ pour le taxi. T'as bien fait. On a déjà parlé, hein? On ira chercher l'auto demain. Là, on est vraiment, c'est intéressant, Arnaud Granata, on est vraiment dans le renforcement positif. Là. Complètement, et puis c'est un message qui a été très populaire auprès des parents des victimes, parce qu'on les interpellait directement. Et c'est un ton de communication qui est un petit peu différent par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir pour la SAQ. Ce que vous avez dit à vos enfants, ça vaut quelque chose à preuve, voici. L'éducation, ouais. Complètement. Ouais. Un mot sur ce qui s'en vient. On s'en va où dans ces messages touchant la sécurité routière? Ça va être le juste milieu entre aller choquer pour attirer l'attention et faire passer des messages, éduquer, notamment sur tous ces enjeux liés aux technologies. Combien de temps ça va prendre encore avant d'avoir un consensus social sur ne pas texter au volant? Et on sait que l'alcool et la vitesse, on l'imagine, ces enjeux directs, mortels. Oui. Le cellulaire au volant paraît plus inoffensif, a priori. Et il est de plus en plus présent dans nos vies. Comment va-t-on faire pour inciter les gens à ne plus l'utiliser au volant? Ça, je pense que ça va être un grand enjeu, à la fois pour les publicitaires, mais aussi pour l'ensemble des gens qui œuvrent autour de cet enjeu de la sécurité routière. Arnaud Granata, vice-président et directeur des contenus des éditions InfoPresse, merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci à vous. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jean Cochin, je vous dis à la prochaine.